Les billes dans le sable chaud, tout seul avec toi. Je plane, où sont le tardio? Je connais tous tes refrains, aucune raison de s'en faire. J'ai fait ma vie en solo, mais depuis qu'on s'est trouvé, je n'y peux rien. Je surfe sur la vague sans penser à demain. I wanna get high, high on you, baby. Jet plane in the sky or rocket, maybe. La chaleur de la plage sans bouger d'ici. T'es le plus beau des mirages et le meilleur whisky. On peut s'enfuir tous les week-ends, faire le tour du monde et voir où ça nous mène. Get high, high on you, baby. Don't wanna be addicted to anything else. Notre temps. On savoure le love comme un vin blanc. On vit le moment présent. On sait qu'on gérera le reste quand on aura de l'argent. Pas de cassage de tête, pas de mauvaise nouvelle. On oublie le paraître, on vit notre lune de miel. Cause you and me, girl, in a sweet life. It's alright. I wanna get high, high on you, baby. Jet plane in the sky or rocket, maybe. La chaleur de la plage sans bouger d'ici. T'es le plus beau des mirages et le meilleur whisky. On peut s'enfuir tous les week-ends, faire le tour du monde et voir où ça nous mène. Get high, high on you, baby. Don't wanna be addicted to anything else. La parfaite dose à chaque bouffée d'air. Please prends la pause, viens juste rien faire. Tu fais virer le monde à l'envers. Pas besoin de grand chose pour se sentir high. La parfaite dose à chaque bouffée d'air. Please prends la pause, viens juste rien faire. I wanna get high, high on you, baby. Jet plane in the sky or rocket, maybe. La chaleur de la plage sans bouger d'ici. T'es le plus beau des mirages et le meilleur whisky. On peut s'enfuir tous les week-ends, faire le tour du monde et voir où ça nous mène. Get high, high on you, baby. Don't wanna be addicted to anything else. S'enfuir tous les week-ends, faire le tour du monde et voir où ça nous mène. Get high, high on you, baby. Don't wanna be addicted to anything else. Sous terre, fais pas attention, j'ai plus les idées claires. Depuis Depuis que t'es parti, j'ai calé quelques verres. J'ai visé la cible en plein milieu du cœur. Mais j'ai raté mon tir dans ton filet désert. Y'a plus rien à voir dans mon rétroviseur. Depuis que t'es parti, j'ai coupé les moteurs. J'ai poussé ma loque et j'ai voulu tout avoir. J'ai encore passé la poque au mauvais joueur. J'ai perdu mes repères, le cœur entre deux chaises. J'ai joué avec le feu, je l'ai vu dans tes yeux. T'avais tout ce qu'il fallait pour faire des étincelles. Pendant ce temps-là, je voyais pas que j'avais la plus belle. J'ai crié ton nom à tort et à travers. J'ai cherché ton sourire et tes yeux verts. Fais pas attention, lis pas les commentaires. Depuis que t'es revenu, je suis rendu terre à terre. Et j'ai toujours su qu'au fond t'étais la bonne. Depuis que t'es revenu, je suis comme un nouvel homme. J'ai perdu mes repères, le cœur entre deux chaises. J'ai joué avec le feu, je l'ai vu dans tes yeux. T'avais tout ce qu'il fallait pour faire des étincelles. Pendant ce temps-là, je voyais pas que j'avais la plus belle. J'ai perdu mes repères, le cœur entre deux chaises. J'ai joué avec le feu, je l'ai vu dans tes yeux. T'avais tout ce qu'il fallait pour faire des étincelles. Pendant ce temps-là, je voyais pas que j'avais la plus belle. J'ai trouvé mes repères, le cœur entre deux chaises. J'ai rallumé le feu qui brûlait dans tes yeux. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire des étincelles. Aujourd'hui j'ai compris, j'ai déjà la plus belle. Au retour, la référence musicale au Québec débarque à Énergie. Stéréo Mike. Avec Mike Gauthier. Énergie. Inspirez, expirez. Il y a une vague de menaces auprès des gens qui étaient présents à la retraite de yoga. OK, des menaces. Inspirez, expirez. Faut qu'on éclaircisse cette affaire. Capote pas Claude Poirier, là. C'est sûrement juste une joke plate de petits gars. Inspirez, expirez. Ma chum, elle s'est fait gober 15 000 piastres par une motivatrice. On parle ici d'une mission d'infiltration. Inspirez, expirez. Nouvelle saison. Une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. L'été. À Québec. On monte le son pour les classiques d'énergie. Disponible sur iHeartRadio. Plus de classiques. Plus de 98.9. Énergie. Mike Gauthier vous partage sa passion pour la musique, même la nuit. Voici Stéréo Mike. Stéréo Mike. Hey! En rediffusion. Énergie. Ladies and gentlemen. Des concerts inoubliables. Au rockstar légendaire. David Grohl from the Foo Fighters. This is James from Metallica. Hi, this is The Edge. We are Green Day. Énergie. L'histoire du rock, il l'a vécu. Il vous la fait revivre. Stéréo Mike. L'ultime référence musicale. Stéréo Mike. Stéréo Mike. Voici Mike Gauthier. D'entrée de jeu, je vais vous souhaiter un bon samedi. Profitez-en bien aujourd'hui. On a une émission bien fun pour vous autres aujourd'hui. Entre autres, étant donné que demain soir, au fait que la tête d'affiche, ce sera Def Leppard. Pour le combo des classiques, vous aurez à choisir entre deux pièces du répertoire de la formation britannique. Aussi, on va dire bonne fête à l'ex de Kurt Cobain, Courtney Love, c'est son anniversaire ces jours-ci. Pour le top 3, l'année 1990. Et il y aura bien sûr quelques mentions sur Ozzy, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière, c'est les au revoir de Ozzy avec le gros spectacle présenté à Birmingham. On va commencer avec Sum 41 et Red Hot Chili Peppers, Danny California, dans Stéréo Mike sur Énergie. Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than coal. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them every way, saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45. Just another way to survive. Baby and a fighter. Should've seen it coming when it got a little brighter. With a name like Day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. California, rest in peace. Simultaneous. Gifted animator, one for the now and 11 for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man was a gunner for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Le week-end avec votre dose de rock. Stéréo Mike avec Mike Gauthier. Exclusivité Énergie. When all my faith just brings me down and I can't stand on solid ground. Memories that I can't erase. I'm stuck in that old familiar place. I wish that I could let things go. I wouldn't have to feel this low. And I don't wanna bring you down, but I fear I'm going to light up the air. You care, 'cause I'm calling out to you again. things that don't ring true. Cause I don't mind the worst in you. Let me feel like we belong, even though it is so wrong. Cause you could tell the perfect lie, and I'd still be satisfied. Cause I don't wanna be let down, but I fear I'm gonna light up the air, light up the air. No more secrets, nothing I can bear. Light up the air, show me you care. Cause I'm calling out to you again. Cause I feel the line. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Inside me, I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head, won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear, I'm gonna make it. I'm gonna Stéréo Mike. Ah, c'est particulier ce matin parce que c'est une page d'histoire qui s'en vient, qui va commencer dans quelques minutes là, avec le décalage horaire. Parce qu'aujourd'hui, Ozzy dit au revoir à la scène. Il va rester omniprésent dans les médias. Moi, je suis bien content parce que ça nourrit souvent mes Mike News. Mais dans quelques minutes, ça va commencer cette journée en hommage à Ozzy qui, en fin de soirée, va donner son show en solo. Et après ça, il va pendant 20 minutes. Puis après ça, il va aller rejoindre les membres de Black Sabbath là, pour tourner la page. Et d'ailleurs, selon Tom Morello de Rage Against the Machine, qui a monté un super band là, pour être présent et interpréter des tunes de Ozzy. Il a dit « Aujourd'hui, c'est la plus grosse page de l'histoire du rock pesant, le rock metal qui se tourne avec les au revoir de Ozzy. » Je vous rappelle que Metallica est là, Pantera, Slayer, Gojira. Ça va être tranquille comme programme. Et aussi, on peut regarder ça chez nous là, à la télévision. Vous allez acheter votre billet sur Back to TheBeginning.com, puis c'est abordable, c'est quand même 20$ pour tout ça, là, toute la qualité de spectacle qu'on aura aujourd'hui. Et Ozzy va être comme dans un trône également. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe. Ozzy va nous quitter. Et aussi, dans sa vie personnelle, Ozzy, comme ça, au début du mois de juillet, le 4 juillet 1982, il épousait Sharon Osbourne, et depuis ce temps-là, il n'a plus rien décidé. Voici Mama, I'm coming home, c'est le cas de le dire pour Ozzy, aujourd'hui, dans Stéréo Mike sur Énergie. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama,

Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. How the hell do we wind up like this? And why weren't we able to see the signs that we missed? And try to turn the tables. I wish you would clench your fists and unpack your suitcase. Lately there's been too much of this, but don't think it's too late. Nothing's wrong, just as long as you know that someday I will. Someday, somehow, gonna make it alright, but not right now. I know you want to really well. You only one who knows that. Someday, somehow, gonna make it alright, but not right now. I know you want to really well. Well, I'd hope that since we're here anyway, we could end up saying things we've always needed to say, so we could end up staying. Now the story's played out like this, just like a paperback novel. Let's rewrite an ending that fits instead of a Hollywood horror. Nothing's wrong, just as long as you know that someday I will. Au Québec. Et il vous offre maintenant plus de classiques, même la nuit. Vous écoutez Stéréo Mike avec Mike Gauthier. Stéréo Mike. Énergie. Here we go. Il est la référence musicale au Québec. Il est numéro un sur le marché. Voici les Mike News. Voici Mike Gauthier. Voici les Mike News pour aujourd'hui, le 5 juillet. Today we La musique retient l'attention dans l'actualité aujourd'hui avec les nombreux festivals au Québec. Tantôt, je vous ai parlé du FEC avec Benson Boone pour ce soir. Le Festivois, ça se termine en fin de semaine. Le Festival de jazz, ça se termine aujourd'hui, samedi. Mais ce qui retient l'attention dans la musique, c'est l'Angleterre, le show d'adieu de Ozzy et le retour de Oasis. Ça s'est passé hier soir. Il y avait du monde, il y avait 70 000 personnes et le groupe a interprété 23 chansons et il paraît que le son est incroyable. Il l'avait d'ailleurs, Noel Gallagher l'avait dit cette semaine, ça va sonner en tas. C'est la façon que je peux traduire poliment. Dernière fois, quand on avait joué ensemble pour Oasis, c'était en 2009. Et là, c'était vraiment incroyable hier soir, selon ce qu'on a vu. Pas en plus, les deux frères Gallagher qui rentrent collés un sur l'autre, puis ils marchent vers le début, l'avant de la scène. Il paraît que ça délirait. Il y a des choses, cependant, qui ont été remarquées par bien du monde. Le public était jeune dans certaines sections qu'on a pu remarquer. Et il y en avait beaucoup qui utilisaient leur téléphone et le Shazam pour savoir quelle était la tune que Oasis proposait. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui doit être là pour participer à l'événement. Et Liam Gallagher, on n'est pas surpris, il l'a échappé. Il a fait une blague de mauvais goût en disant « Avez-vous du fun ce soir? » Là, ça a crié. Puis il a dit « Puis, ça valait-tu la peine de payer 5000 pièces pour un billet? » Ça a moins bien passé parce qu'on se rappelle qu'il y a eu de la grosse controverse en rapport avec la mise en vente des billets. Il y a un deuxième show ce soir au Pays de Galles, à Cardiff. Puis après ça, ça va être encore la grosse affaire. Ils s'en vont dans leur ville natale. 5 spectacles qui seront présentés dans la ville de Manchester. Ça commence vendredi prochain. Nous autres, on les voit 24 et 25 août prochain à Toronto. Mais eux autres, on va les voir au Québec, à Montréal, à Oshiaga. Au retour, c'est The Strats avec Kiss This. Puis aussi, on va vous présenter les extraits de chansons qu'on a retenus pour le combat des classiques de Def Leppard dans Stereo Mike. Au retour, Mike Gauthier vous offre encore plus de gros classiques. Stéréo Mike. Énergie. Amateurs de sport, RDS vous promet un été cuisant. Comme le bitume sous les roues des puissantes F1. Comme les revers infligés par des Alouettes à leurs adversaires. Comme les échanges acharnés lors des grands tournois de l'ATP. Comme les coups fumants des golfeurs lors des tournois majeurs de la PGA. Ou comme les feintes étourdissantes des Roses et du CF Montréal. Cet été, les vrais amateurs de sport se donnent rendez-vous à RDS. Abonnez-vous. Vous n'avez toujours pas choisi vos électroménagers pour votre nouveau projet? Électroménager Lévis a un immense inventaire disponible pour livraison rapide en une semaine. Venez profiter de nos soldes incroyables sur tous les électroménagers Bosch, GE, LG, Whirlpool et bien plus. Avec notre immense choix en stock, pas d'attente comme ailleurs. Tout est garanti et nos prix sont imbattables. Visitez-nous au 5125 Guillaume Couture à Lévis ou sur électroménagerlévis.com. Électroménager Lévis, votre destination pour des offres imbattable. L'été à Québec. Yeah! On monte le son pour les classiques d'énergie. Oh, yeah! Disponible sur iHeartRadio. Plus de classiques. Plus de fun. 98.9. Énergie. Summer says stay home, get away from me, saying I was back for you. I did all I could. So kiss this one.